Du 19 au 22 octobre prochain, vivez un week-end fascinant. Dans toute la France, les vignobles s'animent et proposent des expériences festives, gourmandes, sportives, uniques et insolites. Expos, conférences, jeux en famille, rencontres vigneronnes, guinguettes, vous trouverez forcément près de chez vous une activité à votre goût. À chacun sa destination pour découvrir la richesse de notre patrimoine viticole et vivre des moments exceptionnels à la rencontre de vignerons passionnés. Rendez-vous sur fascinant-8-n.fr pour découvrir le programme. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quelles sont les limites des sciences ? L'émergence de la démarche galiléenne au XVIIe siècle nous avait permis de nous considérer comme des êtres d'antinature. Non pas au sens où nous serions opposés à la nature, où nous serions contre elle, mais au sens où nous serions d'une essence différente, où nous serions métaphysiquement autres. Mine de rien, cette coupure a provoqué un tournant décisif. Le monde s'est comme dissocié. D'un côté, la nature, décor de nos existences, gorgée de ressources, qui peut s'appréhender sous l'angle physico-mathématique. De l'autre, l'homme, renvoyé à lui-même, à la solitude de sa raison et de ses affects. Mais nous avons fini par comprendre que cette séparation n'est pas aussi nette qu'on l'avait imaginée. D'une part, la nature réagit à nos actions sur elle. Elle se révèle poreuse, non infinie, fragile. D'autre part, nous sommes désormais conscients que nous grignotons de plus en plus le fruit terrestre qui nous porte et nous ne savons guère comment enrayer cette mauvaise tendance. Alors nous pressentons que cet avenir même que nous sommes en train d'anticiper par nos actions pourrait se révéler radicalement autre. Et au fond de nous-mêmes, nous le craignons. D'aucuns font porter le chapeau de cette situation à la science elle-même, en faisant semblant de la confondre avec ce qu'elle rend possible. Il faudrait en somme liquider la science au seul motif d'un mauvais usage du monde. Mais est-ce en renonçant aux avancées scientifiques que nous réparons les dégâts? Est-ce avec la physique d'Aristote que nous stabiliserons le climat? Avec la biologie de Pline l'Ancien que nous préserverons la biodiversité? Sans doute pas. Alors, plutôt que délaisser l'idée de rationalité, mieux vaut sans doute la refonder pour qu'elle ne serve plus d'alibi à toutes sortes de dominations. La question est, comment faire? Comment maîtriser notre maîtrise? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Giuseppe Longo. Bonjour. Bonjour, Étienne Klein. Vous êtes mathématicien et épistémologue, chercheur CNRS à l'École normale supérieure de Paris. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître, qui s'intitule « Le cauchemar de Prométhée, les sciences et leurs limites », raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui. C'est pour le sous-titre. Alors, je ne sais pas, Giuseppe Longo, si vous avez lu la biographie de Robert Oppenheimer, écrite par Kai Bird et Martin Sherwin, qui a servi de référence pour le film qui vient de sortir sous le titre Oppenheimer. Je voudrais vous lire cette phrase mise en exergue. C'est un extrait d'un texte d'Apollodore qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et je vous demanderai si vous comprenez pourquoi les auteurs de cette biographie d'Oppenheimer ont choisi de faire cette référence à Prométhée dans l'exergue de leur livre. Voilà ce qu'ils citent. « Prométhée, ayant façonné les hommes avec de l'eau et de la terre, leur donna aussi le feu qu'à l'insu de Zeus, il avait caché dans une férule. Quand Zeus s'en aperçut, il ordonna à Héphaïstos de clouer le corps de celui-ci sur le mont Caucase. Ayant été cloué à cet endroit, Prométhée était attaché depuis un grand nombre d'années. Chaque jour, un aigle fondait sur lui et lui dévorait les lobes du foie qui augmentaient de taille durant la nuit. » Est-ce que vous comprenez cette association entre Prométhée et Oppenheimer ? Oui, je la comprends. Je comprends le sens aussi de la référence au geste grec, où il y a l'arrivée d'une certainement une technique, mais de la part de Dieu, avec pleine connaissance. J'imagine que le Dieu savait qu'est-ce que c'est le feu, quels ses effets, ses conséquences. Les titres de mon livre, c'est justement les cauchemars. C'est-à-dire quand il y a un départage entre une technicité, une grande technicité parfois difficile à conquérir, à construire, et la connaissance, dire la science en tant que construction d'objets, de connaissances, construction d'objectivité qui se fait dans l'histoire, et qui un cadre permet de comprendre, parfois comme conséquence, des techniques absolument remarquables. Donc, dans le cas d'Oppenheim, je crois pouvoir dire, mais je ne suis pas parti incompétent sur ces aspects de physique, je crois pouvoir dire qu'il y a là les résultats d'une science, la physique de l'époque, qui permet une technique où le choix de la construire et puis de l'utiliser était un choix politique, éthique. Mais c'était pas une technique qui s'est construite, disons, dans un cadre dépourvu de connaissances. Non, au contraire. Dans mon cas, je souligne ces différences qui se sont faites dans l'histoire entre des puissantes techniques et des manques de connaissances, et qui au contraire est nécessaire en particulier, puisque l'histoire de la science nous l'enseigne, dès qu'il y a suffisamment de constructions scientifiques, la science elle-même propose des résultats limitatifs, des résultats négatifs, qui, d'une part, rendent plus solides les secteurs dont ils démontrent les limites. De l'autre, ouvrent à de nouvelles formes de savoir. Dans mon livre, il y a plusieurs exemples clés, et si vous voulez, on en parle. Je sens que dans notre discussion, Giuseppe Longo va partir un peu dans tous les sens, et le but, parce que vous n'aimez pas les séparations entre disciplines, et d'ailleurs votre livre est une sorte d'éloge, du mélange des genres, on pourrait dire. Vous associez des disciplines qu'on a l'habitude de séparer. Oui, tout à fait. Mais il y a un axe de lecture qui est mon expérience de mathématicien qui a travaillé dans le fondement des mathématiques et de l'informatique. Certains aspects technoscientifiques que j'ai critiqués, dont on va parler, j'espère, ont leur origine à l'intérieur d'un débat des fondements des mathématiques qui a eu lieu au début du XXe siècle. Le formalisme, l'idée qu'on pouvait se passer du rapport à l'espace, fondé, c'est-à-dire à la géométrie, le rapport entre géométrie et espace, fonder les mathématiques sur l'arithmétique, les calculs, les signes sans signification spatiale, en particulier géométrique, le formalisme potentiellement mécanisable. Ce sont les mots d'un des fondateurs de ce courant très important des fondements des mathématiques, David Hilbert, qui en 1900 formalise toutes les géométries, et en fait dans un livre de l'année précédente, et pose le problème d'utiliser l'arithmétique comme fondement définitif. Il parlera des solutions définitives dans les années 20, des problèmes de fondement des mathématiques. Aussi, puisqu'il avait fait un encodage par voie analytique des différentes géométries en arithmétique. Et il considère que la certitude mathématique est dans la potentielle mécanisabilité de son écriture formelle. Donc les formalismes, les suites des signes maniés de façon mécanisable, c'est une machine abstraite, ils n'ont pas de machine. Mais sans qu'on puisse leur attribuer un sens à ces signes. Absolument. La certitude était dans la perte des ambiguïtés du sens. Et pourquoi c'est là? Puisque, vous voyez, jusqu'à la moitié du 19e siècle, il n'y a presque pas de débat fondationnel dans les maths. Et les maths étaient corrélées au monde et au monde de la physique grâce à la géométrie d'Euclide dans des espaces cartésiens. Point, et c'est tout. La géométrie d'Euclide était la référence, même pour Galilée. Vous savez très bien qu'il dit « le monde est décrit dans le langage des triangles, des carrés, des cercles ». Un langage mathématique. Précisément géométrique, ce qu'il dit. Et puis, cela sera encadré dans des espaces cartésiens, donc une théorie de l'espace, et Newton va faire danser la physique mathématique qui va changer le monde. Et donc, le rapport direct entre géométrie, espace physique, donc espace de l'action, espace de l'homme, était totalement solide. Puis, excusez-moi, mais quand même, Galilée, dans cette fameuse phrase, dit « sans lesquels », il parle des figures géométriques, « on ne pourrait humainement en comprendre un seul mot ». Il y a « humainement ». Et d'ailleurs, on ne sait pas si le « humainement » veut dire que le langage mathématique est un langage que les humains utilisent pour comprendre la nature, parce qu'il est plus précis que le langage ordinaire, ou bien si cela veut dire que c'est le langage que les humains doivent apprendre parce que c'est le langage de la nature. Oui, je ne connais pas la pensée exacte de Galilée sur ce sujet. C'est sûr qu'il y a les deux tendances. D'une part, que le monde soit en amont écrit par Dieu dans les langages des mathématiques. Ça, pas mal de collègues, sans utiliser ce langage des tendances platoniciennes, le pensent. C'est pas mon opinion. C'est les résultats d'une construction d'invariants qui se fait dans l'histoire. Construction très ancienne. C'est-à-dire, les gestes mathématiques de l'homme commencent par le petit comptage. C'est-à-dire compter un nombre limité d'objets, ce qu'ils font aussi certains animaux, par l'appréciation de qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire, pour savoir dessiner un contour, hein, comme on a su faire dans les grottes de Lascaux. Donc, il y a une construction de sens mathématique, de gestes de découpage du monde par les mathématiques, qui permettent de constituer des invariants qui sont parmi les plus stables de notre histoire humaine. Mais au-delà de ces discours, il y avait eu la puissance de la construction géométrique dont je parlais, qui garantissait une stabilité, soit-elle absolue ou pas, mais certainement une stabilité scientifique au rapport de l'homme à l'espace. Et tout cela s'écroule à la moitié du XIXe siècle. Nombreux mathématiciens, dont Riemann, probablement le plus important, proposent des géométries qui contredisent l'axiome fondamental d'Euclide le cinquième. Des géométries d'espaces qui se déforment, d'espaces mous, dans lesquels Einstein va faire une vraie révolution. Ça, c'est un écroulement qu'on réalise mal. Enfin, c'est pas seulement une question philosophique. C'était pour tous les scientifiques dire, mais alors, quel est-ce le sens de l'écriture mathématique par rapport au monde? Et la réponse de certains est très audacieuse. Frege, entre autres, un très grand à la fin du XIXe siècle, de dire, ben non, oublions la géométrie et le rapport à l'espace. Les fondements, c'est dans le nombre entier. L'arithmétique, la théorie formelle des nombres, qui est une théorie logique. Il la formalise d'une façon absolument remarquable, avec des règles logiques qui sont encore aujourd'hui un outil de travail qui est là. Et Hilbert va justement prendre la même attitude, mais sans, disons, l'attitude logique platonisante des Frege, qui pense que là, il y a une essence du monde. Il pense plutôt que c'est une histoire d'un calcul. Il, comme je disais tout à l'heure, il encode, c'est-à-dire interprète les différentes géométries par voie de l'analyse dans l'arithmétique, et dit, c'est l'arithmétique le fondement ultime. En 1900, il propose, démontrons la cohérence de l'arithmétique par des outils arithmétiques. Il faut que aussi la preuve de cohérence soit parfaitement formelle, arithmétisante. Et voilà donc ce tournant. Et on parle d'espace. Sans espace, absolument sans espace. En oubliant le sens dans l'espace, il faut l'oublier puisqu'il y a ces ambiguïtés. C'est quoi ces espaces mous? Et il dit, mais très bien, qu'on puisse l'utiliser, c'est formidable. Démontrant simplement que les théories ne sont pas contradictoires, sont cohérentes. Puisqu'il les a interprétées dans l'arithmétique, si on démontre la cohérence de l'arithmétique, c'est fait. On peut utiliser n'importe quelle géométrie. Il est tout à fait favorable aux géométries non euclidienne. Il va beaucoup aimer les travaux d'Einstein. Il va même collaborer avec Einstein. Mais donc, pour le fondement de mathématique, il faut penser à une machine arithmétique qui donne la certitude. Il s'agit d'une machine abstraite. Il n'a aucune idée. Mais là est l'origine d'un débat qui sera à l'origine de cette vision mécaniciste, d'une part, de fondement des mathématiques, de l'autre, l'invention de la machine, et parfois, et ça c'est la conséquence la plus grave, la projection dans le monde de cette machine. Dire, comme certains collègues le font en physique même et en biologie, le monde lui-même est une machine à état discret, est une machine formalisable, comme dit Wolfram, est une machine de Turing. Est un programme. Est un programme, programmable. Quand certains de ses collègues disent que les lois de la physique sont des algorithmes, ils disent qu'une pierre tombe puisqu'elle est programmée pour tomber. Et vous voyez que... Aristote disait ça. C'est ça, c'est l'essence. C'est La pierre qui tombe réalise son être. Oui, la programmation, c'est plus explicite. Tout le monde comprend qu'est-ce que c'est qu'un programme. C'est plus difficile de comprendre qu'est-ce que c'est que l'être. Mais le programme, tout le monde sait qu'est-ce que c'est, grosso modo. Donc, dire une chose pareille, c'est particulièrement affolant. Pour vous qui êtes physicien, si vous comparez cela à ce qu'on a appris d'Einstein, pour Einstein, une pierre tombe pour raison de symétrie. Grâce au théorème de Noether, les symétries. Oui, on ne connaît pas très bien le statut des lois physiques. Qu'est-ce qui fait qu'un objet obéit aux lois physiques qui décrivent son comportement? Est-ce qu'elles sont dans le monde? Est-ce qu'elles sont transcendantes? Est-ce qu'elles sont immanentes ou pas? C'est quand même une question que la physique ne... à laquelle la physique ne répond pas. Moi non plus. Et ce que je peux dire, suivant Hermann Weyl, que tous les principes fondamentaux de la physique sont des principes de symétrie. Et ça, ce sont des regards forts qui clarifient et qui en plus unifient. Ça, c'est un constat, c'est pas une explication. Tout à fait. C'est un constat, mais il donne une immense unité au savoir, puisque ça nous renvoie aussi aux symétries de la géométrie d'Euclide, c'est-à-dire c'est toute la science, au moins telle que nous avons construite dans nos cultures, qui est comprise d'un seul coup. Voilà, là, il y a une compréhension scientifique. Avec les rôles dont je voudrais bien parler, des résultats négatifs. Mais avant, moi j'ai une question pour vous, Giuseppe Longo, parce que là vous parlez d'une révolution qui s'est produite au tournant des 19e et 20e siècles. Mais dans votre livre, il y a un chapitre qui m'a beaucoup surpris, dans lequel vous parlez des Big Bang, du Big Bang des mathématiques, et c'est pas de cette révolution que vous parlez. Vous parlez d'un Big Bang quand Euclide, donc 5 siècles avant Jésus-Christ, écrit « La ligne est une longueur sans épaisseur ». Ah oui. Et vous dites ça, c'est un Big Bang, et vous expliquez dans ce chapitre que ce Big Bang a à voir avec la création de la monnaie. Oui. Je demande une explication. Oui, tout à fait. D'abord, et c'est évident que, comme tout le monde le dit, Euclide est celui qui propose en premier dans notre culture la méthode axiomatique, donc l'explicitation des principes de laquelle dérivait sa science, la géométrie, mais comme méthode générale, cette histoire de dire de façon aussi claire que possible des principes qui sont puissants et forts est vraiment le grand enseignement. Ça, c'est d'une part. De l'autre, l'invention de la ligne sans épaisseur, évidemment, ça va avec la culture grecque, les notions d'idéal platonicien, mais c'est un outil absolument formidable, puisque quand on dit la ligne sans épaisseur, on développe, comme va faire Euclide, une théorie pertinente des surfaces. Puisque si vous avez une surface avec un bord qui a une épaisseur, c'est quoi la surface? Donc, Euclide invente la notion de bord, qui est une notion mathématique très difficile. De bord net. Oui, les bords sans épaisseur. Mais comment est-ce qu'on définissait les lignes avant Euclide? On disait quoi? Je ne crois pas qu'il y ait une définition explicite. Il faut aussi dire que même Euclide ne la met pas parmi les définitions. Il pratique la ligne sans épaisseur. C'est quelques siècles après que ça sera explicité comme la définition bêta. Mais une définition tout à fait compatible avec tous les textes d'Euclide qui traitent les lignes sans épaisseur. Donc la ligne permet de penser l'idée de surface, aussi celle de volume, j'imagine? Oui, mais il n'y a pas un grand développement des trois dimensions. Donc c'est une théorie surtout des surfaces, plutôt des figures planes. Mais la ligne sans épaisseur permet de concevoir les points, qui est l'intersection dans deux lignes sans épaisseur qui s'intersectent en bonnes conditions. Donc c'est un passage crucial d'une abstraction qui n'est pas dans le monde, mais qui sera un outil extraordinaire pour faire une géométrie qui va changer le monde, hein, puisque c'est là qui... Vous dites qu'il n'y a pas de point dans le monde? C'est un concept absolument fondamental qui est dérivé de la ligne pour Euclide, les points est un sémillon, c'est un signe, c'est une position sur une ligne, c'est à l'intersection des deux lignes. Il est aux extrêmes d'un segment et définition gamma. Donc, le point, c'est les résultats de cette activité sur les lignes qui bougent, qui s'intersectent. La ligne est un continuum, elle n'est pas faite de points, d'accord? Donc, c'est la position, comme je disais, sur le point, c'est une position sur la ligne, aux extrêmes des segments. C'est un regard très abstrait dont certains comprendront l'importance. Saint Augustin, au 4e siècle après Jésus, va dire « J'ai vu la ligne la plus mince tracée par les meilleurs des architectes, le fil le plus mince construit par le la plus petite des araignées, elles ont une épaisseur. Comment puis-je concevoir la ligne sans épaisseur ? Saint Augustin, qui est un évêque, dit « C'est Dieu qui m'a mis en mémoire la connaissance des mathématiques et de Dieu ». Je ne partage pas cette opinion, mais je suis d'accord avec Saint Augustin que cette invention d'Euclide est absolument formidable et au cœur de toutes nos constructions conceptuelles de type mathématique. Et un autre grand qui observe l'importance de ces gestes conceptuels d'Euclide, c'est Piero della Francesca, le peintre italien du XVe siècle. Il fait son traité... Italien comme vous. Et oui, j'ai dû lire des perspectives à Pingendi pour aider ma fille dans son travail de thèse en histoire de l'art. C'est un livre de géométrie projective pour peintre pratique. Et lui, il comprend que c'est très important cette histoire de ligne sans épaisseur. Et il s'est dit, mais comment puis-je tracer une ligne sans épaisseur ? Ben, en tant que peintre, je fais de mon mieux. Je fais la ligne la plus mince que je peux. Mais ces deux grands comprennent l'importance de ces concepts. Et les défauts, justement, typiques de l'approche et axiomatique formelle, c'est de passer à côté de ces constructions conceptuelles riches de sens. C'est quoi l'essence ? C'est l'essence du bord, c'est l'essence de la trajectoire. Une trajectoire, typiquement, c'est une ligne sans épaisseur, puisqu'elle ne doit pas avoir épaisseur, c'est pas ça qui compte. Hein. Et la trajectoire, c'est ce qui nous rapporte au monde de la physique. Disons, la physique d'Aristote à Einstein travaille sur des trajectoires. C'est la physique quantique qui va faire un choix changer différent, choses, oui. Très, très différent. Mais alors, vous n'avez pas répondu à ma question à propos du lien entre cette découverte, en tout cas cette nouvelle définition que propose Euclide, et puis la monnaie qui est inventée au même moment. Mais est-ce que ces deux inventions, ces deux découvertes, on pourrait dire, sont corrélées l'une à l'autre ? Ben ça, je prends l'idée d'un très beau livre de Clarice Hergeschmidt, Les Trois Écritures. Quand elle nous montre, elle est une archéologue, historienne des langues et de l'écriture, elle nous montre qu'au même temps, au VIe siècle, naissent en Grèce les mathématiques, la monnaie et la philosophie. Donc ce sont des formes, des thématiques on a assez parlé, mais certainement la monnaie et la philosophie, de catégorisation. La monnaie propose cet invariant général. C'est aussi un passage d'une abstraction et d'une audace incroyable, c'est-à-dire on extrait la valeur qui en plus n'est pas nécessairement transférée en or, c'est pas ça qui compte. L'or, la quantité d'or sera le plus rapidement possible diminuée dans la monnaie. Ce qui garantit la valeur, c'est le visage de Crésus, ou c'est les symboles du pouvoir qui dit celle-ci a cette valeur, point, et c'est tout. Donc c'est une convention. La pièce de monnaie n'a pas la valeur qu'on lui attribue. Oui, c'est plus fort que ça. C'est un passage d'une catégorisation abstraite d'une extraordinaire puissance conceptuelle. On peut l'appeler une convention, mais il y a derrière une épaisseur d'un choix symbolique qui va en même temps de l'invention de la philosophie, au moins telle que nous la connaissons. La catégorisation, la conceptualisation, ces trois moments contemporains qui ont lieu en Grèce et qui, pour moi, sont un outil fondamental pour relire notre présent. Giuseppe Longo, vous alliez nous parler de ce que vous appelez les résultats négatifs de la science au moment où je vous ai interrogé sur cette histoire de monnaie et de ligne de longueur sans épaisseur. Est-ce qu'on peut y revenir aux résultats négatifs que vous vouliez évoquer ? Tout à fait. Voilà, puisqu'on est en Grèce, je dirais le premier grand résultat négatif, c'est quand, par un jeu très simple, très puissant de symétrie, et par la logique, une preuve par absurde, on casse la puissance théorique de l'école pythagoricienne, puisque tout d'un coup, on s'aperçoit que la diagonale du carré n'est pas un rapport d'entier. Et l'école pythagoricienne, donc ses débuts de mathématiques grecques, pensait pas seulement que les nombres sont en essence du monde, mais en fait que tout est exprimable par des nombres, des rapports entre des nombres. Ils avaient fait le lien avec la musique, enfin c'était... Avec la raison même. La raison même, les rapports. Et tout d'un coup, par une simple preuve, mais très profonde, de symétrie et absurde. Donc il y a l'invention de la logique aussi, la preuve par l'absurde. On dit, la diagonale du carré est une chose d'une simplicité incroyable. Elle n'est pas un rapport d'entier, c'est un résultat. On dit, ce n'est pas, c'est un résultat négatif. Et paf, ni la géométrie d'Euclide, qui est une géométrie sans nombre. Et il y a quelques théorèmes dans la théorie des nombres très beaux, il y a deux ou trois, mais c'est une géométrie des rotations, translations sur les plans, c'est une géométrie des symétries, donc qui se passe du nombre après cette crise. Donc le résultat négatif, d'une part, enrichit l'arithmétique, puisqu'il dit qu'il y a des nombres irrationnels, la logos qui arrive, et de l'autre, ouvre un autre domaine, ce qui va se passer dans d'autres résultats dont je parle dans le livre. Alors ce résultat, je crois, il a été démontré par un certain Hippas de Métaponte, c'est ça ? Oui, qu'ils ont jeté dans un puits, que je sache. Alors moi, ce que j'ai lu, c'est plutôt qu'ils ont construit sa tombe de son vivant. Pour lui montrer que il avait commis un crime contre l'esprit. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire de tout résultat scientifique important qu'il est lié à l'impossible, c'est-à-dire qu'il démontre que quelque chose est impossible? Une loi physique, finalement, c'est une loi qui dit que certaines choses sont infaisables. Je crois, oui, dans sa généralité. Je n'oserais pas me plonger à fond dans cela, puisque du point de vue mathématique, on pourrait dire que tout résultat est négatif, en utilisant la double négation, donc c'est pas ça. Je pose la question parce que vous consacrez un chapitre à la découverte du principe d'inertie par Galilée, un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme. C'est un énoncé qui met en situation une trajectoire, un mouvement que personne n'a jamais vu. Et pourtant, ce principe d'inertie est un des principes fondamentaux de la physique, enfin, oui, de la mécanique. Oui, des partageons les choses. Donc, d'une part, il y a ces grands passages, en plus, où l'infini est invoqué, comme dans le cas de la ligne sans épaisseur. C'est une opération limite, sans qu'elle soit explicitée comme telle chez Euclide, mais c'est ça. La même chose fera Galilée. Le principe d'inertie est un principe limite, à la limite infinie. C'est-à-dire, c'est le mouvement rectiligne uniforme qui n'existe pas. Et les aristotéliciens avaient tout à fait raison. Si on arrête de pousser un objet, il s'arrête, c'est évident. Galilée imagine ces mouvements à l'horizon de tous les mouvements en les rendant tous compréhensibles en même temps. Puisque quand il fait cette proposition, il propose ce principe, à ce moment-là, il peut étudier les frictions, les gravitations qui affectent les mouvements inertiels. C'est justement en se posant à la limite de tous les mouvements possibles qu'il rend intelligibles les mouvements que l'on voit sous nos yeux. Donc c'est une construction limite analogue, à mon opinion, c'est une analogie conceptuelle, à la ligne sans épaisseur qui sera itérée en d'autres moments de la connaissance scientifique. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce principe d'inertie est souvent évoqué par Einstein, qui dit mais finalement il y a de la gravitation partout, donc où qu'il soit, un objet subit au moins une force qui est son poids. Et donc un énoncé qui dit un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme, est un corps qui en fait est introuvable dans l'univers. Sauf, dit Einstein, si on démontre que la gravitation n'est pas une force. Auquel cas, on peut sauver le principe d'inertie en décrivant la gravitation d'une façon complètement autre, à savoir que c'est une courbure, comme vous l'avez signalé, de l'espace. Tout à fait. Ben, ça, c'est la grande unification qu'il fait à Einstein en répondant à une question qui s'est posée immédiatement après Newton. C'est quoi cette action instantanée entre les corps? Et déjà Gauss, Riemann, et essayer de comprendre cela en termes géométriques. C'est Einstein qui a mis ensemble les équations de Maxwell et l'invariance de la vitesse de la lumière va unifier la gravitation et l'inertie. La gravitation, ce n'est que de l'inertie dans des espaces à courbure variable. Mais disons, l'axe de mon livre est de toucher certains moments de construction scientifique comme cela, tout d'abord en soulignant la force et l'audace des principes qui ont été posés à chaque pas, des choses qu'on ne voit pas. La ligne sans épaisseur n'est pas là. Les mouvements inertiels n'est pas là, on ne le voit pas. Mais ces choses-là ont permis une construction scientifique absolument formidable. Et comme parfois, de façon particulièrement forte, on a cassé des entières formes de pensée qu'on croyait très solides par des résultats limitatifs. J'ai parlé de l'irrationalité de la diagonale du carré qui ouvre de nouvelles formes de savoir. L'autre grand résultat négatif dont je parle, et je répète, en physique, il y en a certainement beaucoup, mais je cite quelques cas de physico-mathématiques où tout change quand tu arrives à ce type de résultat. Vous allez parler du terme de Gödel, je parie. Non, d'abord Poincaré. C'est lui qui m'a inspiré, ouais. Puisqu'il appelle négatif son théorème de trois corps. C'est quoi ça? Ben, encore une fois, c'est un résultat que je crois assez nettement contre le mécanicisme. Et vous voyez, la physique de Newton, elle n'est pas mécaniciste, puisque c'est quoi cette histoire d'une interaction instantanée entre les corps, ces équations. Et Newton, il n'est pas mécaniciste, au point que quand il étudie lui-même le problème des trois corps, c'est-à-dire les cas d'un soleil et une planète, il comprend qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Bon, quand vous avez un soleil et une planète, des équations de Newton, vous dérivez toutes les propriétés keplériennes de l'ellipse. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est les grands succès, 2-3 équations, et paf, vous avez tout Kepler. Mais quand vous ajoutez un deuxième planète, puisque la gravitation est universelle, il y a une interaction entre les deux. Les systèmes d'équations sont plus complexes, Newton n'arrive pas à trouver une solution. Il comprend qu'il y a quelque chose de très difficile là, et étant un extraordinaire mathématicien. Et il propose la seule solution qui soit valable encore aujourd'hui, si on veut que le système de deux planètes, un soleil, soit stable pour l'éternité, c'est que de temps en temps, dit Newton, Dieu intervient et remet les planètes sur leurs orbites. Ce qui est tout à fait une bonne façon de faire, je trouve. Mais voilà, Laplace, qui ne veut pas faire l'hypothèse de Newton, n'est pas d'accord. Il veut trouver une façon de résoudre le problème. Il veut résoudre le problème sans Dieu. Oui, mais il pense de le faire de façon indirecte, puisque avec Lagrange et Fourier, ils pensent tous les trois que tout système raisonnable d'équations de la physique puisse être approché d'une façon linéaire. C'est ça la grande hypothèse qu'ils font. Et avec les séries de Fourier, ils font des miracles. Enfin, c'est une approche d'une très grande puissance. Mais ils pensent que vraiment, on peut l'appliquer presque partout. Il y a eu le système et certaines conditions que je ne veux pas détailler maintenant. Bon, et Poincaré va répondre que non, que le système des trois corps n'a pas de solution intégrale. Il le démontre. C'est pas un avis personnel, c'est une démonstration. Il démontre ce qui est très difficile. Il démontre aussi qu'il, presque partout, il n'y a pas d'approximation dans les séries d'Einstein et de Fourier qui sont utilisées en astronomie. Et donc, c'est un autre puissant. Et ce qui est épatant, que Poincaré donne un sens à sa preuve d'absence de solution. C'est-à-dire, en physique, c'est déjà difficile, très souvent, de donner un sens à la solution d'un système d'équations, hein, donner un sens physique. Poincaré donne un sens à l'absence de solution intégrale. Donc il décrit la notion nouvelle des bifurcations, des trajectoires à l'intersection d'espaces stables et instables, qu'il appelle homoclines. Et là, une page extraordinaire où, sans le voir et en disant « je ne peux pas le dessiner », il décrit les chaos. On est en disant... Ce qu'on appellera 92, par la suite la théorie du chaos. Oui, 1970 ans après. Mais si je vous comprends bien, Giuseppe Longo, ça veut dire que Poincaré a démontré une limite de la science, en l'occurrence de la mécanique de Newton. Tout à fait. Et cette limite n'a rien à voir avec celle dont on va sans doute parler, qui est la mécanique quantique, ou bien la physique relativiste. Non, c'est une autre limite. Et on est tout à fait dans le classique. C'est une limite intérieure, on pourrait dire. Une limite avant, qui a eu démontré avant dans le temps, on est en 1892, mais surtout, on est dans le cadre de la physique quantique. En disant qu'il n'y a pas de solution intégrale et que même les séries d'Einstein et de Fourier ne marchent pas toujours dans l'approximation du système d'équations, et en donnant un sens physique, c'est-à-dire il y a une situation chaotique. Hein, la trajectoire est là, mais elle est chaotique, c'est pas sa terminologie. Elle sera donnée 70 ans après sur des systèmes inspirés de l'approche de Poincaré. Mais ces résultats négatifs font démarrer un nouveau regard. C'est la géométrie des systèmes dynamiques qui est une des branches les plus importantes de la physique mathématique qui va démarrer. Comme dans l'autre cas que j'ai mentionné, un résultat limitatif négatif, un résultat à l'intérieur de la science, montre des limites en renforçant son domaine. La théorie des équations est grandement enrichie par les travaux de Poincaré, d'une part, et de l'autre, ouvre une autre branche. La géométrie des systèmes dynamiques, celle qui deviendra, 100 ans après, presque, 80 ans après, la théorie du chaos, qui est une théorie mathématique, physico-mathématique, très solide. Votre livre est difficile à résumer, Giuseppe Longo, mais il y a une chose dont je suis à peu près sûr de ne pas me tromper quand je la résume, qui est que vous suggérez que les sciences se donnent à elles-mêmes leurs limites. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles doivent découvrir par elles-mêmes leurs limites, ou est-ce qu'elles doivent se les imposer ? Je dirais découvrir que la démarche scientifique, quand elle sait donner des principes explicites, c'est avoir l'éthique scientifique essentielle qui est de faire un pas de côté par rapport à l'explicitation de ces principes, faire un pas de côté, avoir un regard critique, est capable de donner ses limites. J'ai mentionné ces deux ou trois grands cas, mais ils ne sont pas isolés, mais ce sont parmi les plus importants, les richissimes. Mais ça, c'est dû à la rigueur elle-même d'une démarche scientifique propre. Et c'est ça qui marque la différence avec les technosciences, les cumuls des techniques qui croient ne pas avoir de limites. Alors vous dites justement que les sciences doivent franchir, je vous cite, la cloison qui les sépare de la philosophie pour réinvestir la question du sens. Ben, c'est ça, dans ce que je dis, il y a toujours une évocation du sens, typiquement dans ma critique, qui était le regard philosophique que j'ai développé dans mon travail technique dans les fondements des mathématiques et de l'informatique, c'est que penser de fonder les maths sur un calcul des signes potentiellement mécanisable a été une erreur gravissime. Et Gödel, justement, dans les années 30, en a démontré les limites. Encore une fois... Est-ce que vous pouvez rappeler l'énoncé du terme de Gödel? Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Oui, mais disons, l'essentiel, c'est qu'on est dans ce cadre qui était dominant à l'époque, donc les cadres où la réponse à la crise des géométries dont je parlais tout à l'heure est s'adresser au formalisme arithmétique, au calcul sans sens, potentiellement mécanisable, avec lesquels on aurait dû déduire tous les énoncés des différentes théories axiomatisées et axiomatisables. C'est quoi la réponse de Gödel? Ben, c'est deux grands théorèmes. Le premier dit que toute théorie assez puissante qui contient l'arithmétique est nécessairement incomplète. C'est-à-dire, il y a des énoncés qui sont ni démontrables, ni leur négation est démontrable. C'est un résultat limitatif, donc il y a des énoncés qu'on ne peut pas atteindre par le formalisme calculatoire. On les appelle indécidables. Indécidables. Mais il y a certains livres dans lesquels on dit ils sont vrais, mais indémontrables. Ça, c'est une lecture de l'énoncé de Gödel et qui est mal faite, et surtout, c'est une méconnaissance de la preuve de Gödel, puisque Gödel n'évoque absolument pas les sens, la notion de vrai. Il donne un énoncé par une construction purement formelle qui résulte indémontrable, et sa négation aussi est non démontrable. Puis que l'énoncé soit vrai, ben, c'est une banalité, puisque dans le deuxième théorème, il démontre que quand on se donne un modèle et on interprète sa phrase de la cohérence, lui démontre que la cohérence formalisée implique l'énoncé indécidable. Donc, la cohérence elle-même, elle n'est pas démontrable. Je comprends, c'est un peu difficile. Oui. Mais enfin... En tout cas, ça apparaît comme une sorte de limitation, c'est une possibilité qui, avant, était considérée comme certaine. Tout à fait. On croyait pouvoir tout démontrer, on croyait pouvoir démontrer la cohérence et l'arithmétique par des moyens arithmétiques. Et il démontre au contraire qu'il a énoncé indécidable, lié à sa négation, parle absolument pas dans son texte de vérité, simplement il dit qu'il est correct. Et puis il démontre que dans l'arithmétique, la cohérence permet de dériver cet énoncé indécidable. Donc la cohérence elle-même, elle n'est pas démontrable par des outils de type mathématique. Il n'y a jamais référence à la notion de vérité. Il est le cas toutefois que cette formule de la cohérence qui résulte indémontrable, s'il y a un modèle de l'arithmétique, elle peut être interprétée comme ce que nous appelons la non-contradiction de l'arithmétique. C'est un jeu très fin que j'essaie d'expliciter pour un public assez large sur un travail que j'ai conduit longtemps du point de vue technique et qui a été très important pour la naissance de l'informatique. Oui, votre chapitre sur le terrain de Gödel, il y a plusieurs pages qui lui sont consacrées, avec son histoire et les implications qu'il peut avoir. En effet, j'ai trouvé plus clair que la plupart de ceux que j'avais pu lire sur le même sujet. Bon, merci beaucoup. Mais c'est quand même des questions très difficiles et très techniques. Oui, mais... Mathématiquement techniques, je veux dire. Oui, j'ai essayé de donner le sens de la preuve. Vous savez, la plupart du temps, le sens d'un théorème est dans sa preuve. Et des commentaires qui se sont basés seulement sur l'énoncé ont été très souvent incomplets. Mmh. Et ce que j'essaye de faire, après une longue pratique de ce type de résultats, c'était justement d'expliciter le sens de la preuve, ce sens aussi philosophique de la preuve, pas seulement de l'énoncé. Mais voilà, un résultat limitatif que, comme le résultat précédent, ouvre de nouvelles voies. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En 32 avec Church, l'invention du lambda calcul, Turing, sa machine en 1936, tous les trois travaillent à démontrer, à la preuve que de Church et Turing, à la preuve des résultats négatifs par rapport à ces projets de tout formaliser, de tout mécaniser. Et Gödel, le premier, va donner son énoncé indécidable. Church va développer un autre formalisme qui s'appelle lambda calcul. Il donne une fonction non calculable. Turing a un troisième formalisme, la machine que tout le monde connaît, qui sera à l'origine des partages logiciels matériels, donc de la machine qui est en train de changer le monde, l'ordinateur. Et pour démontrer qu'il y a un énoncé indécidable, une fonction non calculable, ils sont obligés à définir la notion d'algorithme. Ils donnent trois notions différentes d'algorithme. Tout le monde savait construire des algorithmes. Les Grecs ont des algorithmes, les Arabes ont donné le nom à la notion d'algorithme, ils avaient plein de formidables algorithmes. Mais les trois essayent de proposer des cadres rigoureux, formels, de ce qui peut être la notion générale d'algorithme. Ils donnent trois notions différentes, il y en aura d'autres, et entre 35 et 37, du 535 et du 137, il y a des preuves comme quoi toutes ces notions sont équivalentes. Formidable, on a centré un grand invariant mathématique, la notion de fonction calculable. Et les notions d'algorithme équivalentes sont données dans des langages formels qui seront, deviendront, 10 ans après, petit à petit, 20 ans après, les langages de programmation. Church, le lambda calcul, c'est le paradigme des langages fonctionnels. Turing, sa machine, c'est le paradigme des langages impératifs. Ce sont les deux grands paradigmes, il y en aura d'autres après qui se développent. Donc, pour démontrer un résultat négatif, il n'y a pas d'algorithme pour faire ceci, cela. Ils ont été obligés à donner une notion générale d'algorithme. Il arrive qu'ils en donnent de légèrement différentes, profondément différentes, et paf, elles sont équivalentes. Quand ça arrive en mathématiques, c'est formidable. Hein, c'est-à-dire... C'est une sorte d'unification. Oui, c'est une grande unification. Ou synthèse. Oui, ils ont centré un invariant fondamental, hein, sur une fonction calculable. Donc, voilà l'importance d'un résultat négatif, des trois résultats négatifs qui permettent l'invention d'un ensemble d'algorithmes et même des styles de programmation, puisque c'est ça ce qui vont devenir ces langages. On va parler tout à l'heure... Giuseppe Longo d'intelligence artificielle, j'imagine, mais avant, je voudrais revenir sur une chose que vous développez dans votre livre, que j'ai trouvé très, à la fois surprenante et riche. Vous dites, en sciences fondamentales, il ne va pas de soi que le fondamental soit élémentaire, ni que l'élémentaire soit simple. Vous défendez l'idée qu'il y a une complexité qui peut être originaire et donc irréductible. Oui, la moindre chose qu'on puisse dire, que, je sais pas, Galilée, et Einstein développe des théories fondamentales, il ne s'occupe pas de l'élémentaire, des atomes, des Démocrite, ni des quanta, quand ils développent leurs théories, qui sont fondamentales. Et puis... Que le fondamental ne soit pas élémentaire, ça je comprends. Mais que l'élémentaire ne soit pas simple, ça me semble plus difficile. Tout à fait. Ben, l'exemple le plus fort, c'est la cellule. La cellule est élémentaire, dans le sens, si on la coupe, elle est morte, mais ce n'est plus du vivant, si on fait une analyse du vivant. Mais elle est très complexe. Une cellule eucaryote est d'une immense complexité. Mais je dirais même les cordes ou les quantas, conceptuellement, ils ne sont pas simples, tout étant élémentaires. Donc, il faut départager ces concepts. Nous pouvons avoir des théories, ça dépend du contexte, où on a de l'élémentaire qui est très complexe. La cellule en est l'exemple typique. Alors, je viens d'annoncer qu'on allait parler d'IA. Vous citez abondamment un article paru en 2008, je crois, rédigé par Chris Anderson, qui dit que bientôt on pourra se passer de la théorie en physique, peut-être même aussi en biologie. Le titre, c'est « La fin de la théorie, le déluge des data va rendre la méthode scientifique obsolète ». Et son idée, c'est que si on donne à des algorithmes bien conçus des données suffisantes, ces algorithmes pourront faire parler le réel mieux que les théories physiques, par exemple, qu'on utilise. Alors, dans certains cas, c'est vrai. Vous dites que, enfin, c'est pas vous qui le dites, mais vous citez quelqu'un qui a dit que si on avait donné à un algorithme les données astronomiques dont disposait Tycho Brahe, il aurait retrouvé les lois de Kepler. Mais on peut pas le dire de la théorie d'Einstein, de la relativité générale. Si on donnait à un algorithme toutes les données dont on dispose aujourd'hui, l'algorithme ne pourrait pas en inférer les équations d'Einstein. Absolument. Mais enfin, c'est beaucoup plus grave que ça. Cette brève partie du livre qui est dédiée à la question des abus qui sont faits sur le big data. Attention, avoir ces immenses bases de données, c'est une richesse extraordinaire. C'est-à-dire, on peut pas seulement faire de la science, mais travailler dans 1000 domaines, si on sait aussi reconnaître les réalités, pourquoi pas. Mais après, il faut les interpréter, il faut théoriser sur ces données. Or, certains intelligents artificiels nous disent que non, on peut se passer de théorisation que les données permettent d'inférer. À ce moment-là, il y a 5 ou 6 ans, j'ai fait un petit article un peu technique avec un collègue mathématicien néo-zélandais, où nous avons utilisé des résultats très difficiles. Notre article est facile, mais les résultats qu'on utilise sont très difficiles, des théories combinatoires des nombres. Ces résultats disent la chose suivante. En particulier, on utilise un théorème de Van der Waarden et d'autres, d'une théorie qui s'appelle théorie de Ramsey. Donne-moi une régularité sur un ensemble de nombres, quelconque. Je peux calculer un nombre, une cardinalité, tel que tout ensemble de nombres de cette cardinalité contiennent ta régularité. Vous vous rendez compte? Même si votre ensemble de nombres est produit par des lancements des dés, par des mesures quantiques, par le hasard. Donc ça veut dire que si je réinterprète à ma façon ce que vous dites, si on a beaucoup de nombres, on peut, par des algorithmes, trouver des corrélations autant qu'on veut et leur faire dire n'importe quoi. Oui, encore une fois, la quantification dans ce sens. Vous me donnez n'importe quelle corrélation, je trouve une cardinalité, une quantité de nombres telle que tout ensemble de nombres de cette cardinalité, de cette quantité, contient votre régularité. Donc on peut faire dire n'importe quoi un ensemble de nombres. Mais ça, c'est l'effondrement du big data? Non, pas du tout. Ben, d'abord, ces nombres sont très grands. Mais aujourd'hui, les résultats que nous utilisons produisent des cardinalités qui ne sont pas très grandes, qui sont tout à fait dans l'ordre des grandeurs. Par exemple, d'un projet comme quoi on veut mettre ensemble toutes les données du cancer sur 10 millions de patients. Je fais de calculs faciles, on est au-delà de ce nombre de Ramsey. C'est-à-dire, on trouve n'importe quoi comme régularité. C'est pas l'adieu du tout au big data. Simplement, elle dit que il faut y penser, quoi. C'est très bien si la machine détecte des régularités, mais après, il faut comprendre, il faut théoriser, il faut réfléchir, il faut se donner une théorie. On peut utiliser. Il faut expliquer. Il faut expliquer, voilà. Il faut donner un sens à cet ensemble de nombres. Donc vous n'êtes pas d'accord pour dire que les données pertinentes détiennent les réponses? Non, elles ne détiennent pas les réponses, puisque les réponses sont de l'imagination de configuration. Mais vous savez pourquoi je vous ai posé la question de cette façon? Non. C'est parce que les données pertinentes ont pour anagramme détiennent les réponses. Ah oui. C'est les mêmes lettres. Bon, ça marche pas en anglais, je suis désolé. Et donc, les algorithmes, pour revenir à eux, permettent de voir des corrélations. Et est-ce que les corrélations qu'on observe sont toujours vraies, légitimes, et est-ce qu'elles peuvent servir d'amorce à de l'explication? Ben, c'est ça. C'est-à-dire, le plus grande la quantité des nombres, les big data qu'on a, le plus il y a des corrélations insensées, qui ne veulent rien dire. Donc, ça sert à le travail scientifique. Par exemple, maintenant, on fait beaucoup en astronomie. On a des immenses bases de données. On utilise des algorithmes pour des régularités. Après, on pense, on insère ces régularités dans une théorie. Et parfois, la théorie peut être enrichie, peut être aussi même modifiée par ces nouvelles évidences. Il y a aussi un autre élément à ajouter. Ces scientifiques qui utilisent bien les immenses bases de données savent de quels observables ils parlent. C'est-à-dire, les nombres, les données, ne sont pas dans la nature. Il n'y a pas de nombre dans la nature. Il faut prendre une mesure. Il faut choisir un observable, qui est un choix théorique fort. Il faut pratiquer la mesure, qui est un acte difficile, en physique classique aussi, en physique quantique, il y a des bibliothèques entières sur qu'est-ce que c'est la mesure. Donc, le choix d'un nombre, la construction d'un nombre, c'est le résultat d'un parcours d'accès au réel par la mesure qui est très difficile en physique. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut dire qu'il n'y a pas de nombre dans la nature ? Bon, certainement, s'il y a quatre pommes, on peut faire un comptage. C'est pas un nombre, il y a quatre pommes. Le concept, l'invariant nombre, c'est un parcours difficile qu'a fait l'homme, hein, qui constitue l'invariant. Le une sorte d'abstraction par rapport à un comptage de choses. Oui, il arrive à proposer un invariant dans le langage et surtout le stabilise dans l'écriture. Avant l'écriture, c'est difficile de stabiliser un concept de ce type. Et dans l'écriture, on a commencé à le faire il y a 8000 ans apparemment, dans l'écriture du nombre qui a précédé de beaucoup l'écriture de la voix, l'écriture du nombre stabilise le concept et nous donne cet invariant qui est au cœur de la construction mathématique. Mais évidemment, Quand on fait ces gestes, il y a derrière la forme de l'accès. Et puis, la plupart des phénomènes qui nous entourent demandent pas seulement un comptage. Il faut faire une mesure d'une longueur. La longueur, c'est table, c'est pas un nombre, c'est un intervalle. Il sera toujours un intervalle. Si puis on descend à un niveau très fin du quantique, alors on est dans la pagaille, puisqu'il y aura de l'indétermination en plus de l'approximation. Giuseppe Longo, je n'ai pas le temps de poser toutes les questions que j'ai préparées pour vous. On est à peu près un dixième de ma liste. Mais il y en a quand même une, parce qu'on approche de la fin, que je tiens à vous poser. Vous dites, et je l'ai rappelé tout à l'heure, que les sciences doivent se donner à elles-mêmes leurs propres limites. En même temps, vous citez un mathématicien, Stéphane Mallat, qui, je crois, enseigne au Collège de France, à propos de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. Il dit, on ne peut pas poser de limites a priori à ce qu'on peut faire en intelligence artificielle. Ben, voilà. Donc, quel est le sens du mot limite dès lors que c'est impossible d'en donner, notamment dans le cadre de l'IA? Mais Stéphane Mallat, qui est un mathématicien très très haut niveau, comme Lequin, ont exactement cette attitude que je critique, c'est-à-dire ils font un travail remarquable de techniques qu'ils savent configurer, empiler l'une sur l'autre et en inventer des outils. On utilise les ondelettes, des méthodes de normalisation qui viennent souvent de la physique mathématique, qui arrivent à des optima, qui permettent la reconnaissance d'images. Il y a un travail mathématique et technique absolument remarquable. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas un cadre global, comme quoi ils cumulent ces techniques, et l'erreur, c'est de penser justement qu'ils n'ont pas des limites. Au contraire, et ça, j'en ai discuté avec lui au Collège de France, dans un débat qui en plus est enregistré, je lui ai répondu en lui citant un premier résultat limitatif, très important. Or, il couvre pas toutes ces méthodes de deep learning, de l'apprentissage profond, puisque ils sont très variés. Par exemple, Stéphane Mallat travaille sur les ondelettes discrètes. Mais il y a une énorme quantité de travail qui se fait dans le continu. C'est-à-dire, ils utilisent des équations, des méthodes qui viennent de la physique mathématique, qui sont données dans le continu. Dans ce cas, quatre mathématiciens israéliens, en 2019, je ne me souviens plus leur nom, mais ils sont cités dans mon livre, ont démontré la chose suivante. Et si on traite, dans le cadre unifié de la théorie des ensembles, ces différentes méthodes qui permettent de reconnaître des images, reconnaître la voix, ces grands succès du deep learning qui est fait par filtrage, convolution et puis rétropropagation, très belle invention technique. Si on les unifie dans un cadre mathématique des ensembles, on voit comme toujours ce qu'ils font, ils trouvent des optima. C'est ça qu'ils font techniquement dans chacune des applications du deep learning. Or, la théorie qu'ils ont développée démontre que le cadre mathématique de la théorie des ensembles ne permet pas de trouver un algorithme effectif et uniforme pour trouver ces optima. Donc il y a une limite. Il y a une limite. Il n'y a pas un algorithme effectif et uniforme, c'est-à-dire chaque fois, ils doivent faire une méthode ad hoc. Voilà, il y a une limite exactement comme cette émission. Il y a une limite temporelle. Désolé, Giuseppe Longo, de vous interrompre. Je recommande la lecture de votre livre « Le cauchemar de Prométhée » avec comme sous-titre « Les sciences et leurs limites ». Tout de suite, nous retrouvons Alexandra Delbo pour sa chronique « Avec science ». Aujourd'hui, explorons les effets du changement climatique sur la taille des animaux et surtout sur celle des poissons. Parce que la taille des animaux est tributaire des températures. C'est un constat, pour le coup, que l'on a fait il y a longtemps. Aux plus basses latitudes, aux tropiques, les poissons sont plus petits que près des pôles, par exemple. C'est la loi dite de Bergman, connue depuis le 19e siècle, mais remaniée et revisitée de nombreuses fois depuis. Et si les poissons ont tendance à être plus petits quand il fait chaud au sein d'une même espèce, eh bien c'est le cas aussi entre les espèces. On parle ici d'assemblage. Il y a donc tout un ensemble de plus petits poissons quand les températures sont plus élevées. Intuitivement, on s'attendait donc à ce que les poissons rapetissent dès debout avec le changement climatique. Ce qu'on avait prouvé jusqu'à présent, c'est que le changement climatique pourrait avoir une influence sur la taille des poissons, soit d'une même espèce, soit entre les espèces. Une large étude tout juste publiée vient de faire les deux en même temps, en analysant les variations de taille intra- et inter-espèces de 5000 assemblages d'espèces sur les 60 dernières années. Jean-Marc Fromentin est chercheur à l'IFREMER. Sur l'ensemble des communautés étudiées, on a plutôt une diminution pour les deux tiers et une augmentation pour un tiers simplement des tailles de poissons. Et ça résulte à la fois de phénomènes de changement d'assemblage et de changement aussi de taille dans chacune des populations. Donc c'est les deux qui interagissent. Alors c'était intéressant de faire ça parce que le problème, lorsqu'on ne regarde qu'une composante, c'est-à-dire qu'on va regarder que les changements de taille à l'intérieur d'une population, peut être contrebalancé par des changements d'assemblage d'espèces. Alors, par exemple, un changement climatique, typiquement, c'est des changements de distribution. Et donc, on a des prédateurs qui étaient des prédateurs des systèmes tropicaux qui, maintenant, on retrouve dans les systèmes tempérés. Alors, du coup, il faut vraiment, pour regarder les deux choses ensemble, les deux composantes, les changements d'assemblage qui peuvent être liés à des changements de distribution des espèces, mais qui peuvent être liés aussi à d'autres choses, et les changements, on va dire, de taille à l'intérieur de l'espèce qui, eux, sont plutôt une réponse, en général, d'adaptation au changement de température. En tout cas pour les ectothermes, c'est-à-dire pour les espèces à sang froid, comme les poissons. Et il y a aussi l'exploitation des océans par la pêche, qui a tendance à ne prélever que les plus gros poissons, et donc à laisser les plus petits. Les auteurs ont tenté d'observer le même phénomène pour les végétaux, les mammifères et les reptiles, mais ils ne sont pas parvenus à conclure, notamment par manque de données. Mais comment expliquer cette tendance? Je vous ai dit qu'il y avait une règle, la loi de Bergman, qu'on a observée, qu'on connaît, c'est un constat, mais la raison de ce lien entre taille et température n'est pas encore tranchée. Cette règle de taille-température, qu'on trouve les animaux plus petits, de plus petite taille à température plus chaude, on a encore du mal à l'expliquer, c'est encore controversé dans la littérature scientifique, mais en gros, on pense que c'est soit lié au fait qu'une augmentation du métabolisme à la température, ça on le sait, on sait que la biochimie des augmente avec la température, et du coup, il y a une maturité plus tôt, et donc les individus sont plus petits, ils n'ont pas besoin d'atteindre une taille plus importante. Donc ça, c'est la première chose, donc l'accélération du métabolisme. La deuxième chose, on pense que c'est lié à l'oxygène, notamment tout le métabolisme aérobie. Plus la concentration de l'oxygène baisse, plus on a une adaptation de la taille des organismes pour être plus petits, pour notamment minimiser les transports apparemment. Et quand la température augmente, notamment dans l'eau, quand la teneur en oxygène baisse. Donc on a ce lien aussi. Et puis après, il y a tout un tas de phénomènes intrapopulationnels ou interpopulationnels qui sont liés à la compétition entre les individus d'une même espèce. Et il y a des relations de prédation ou de compétition qui sont très fortement modulées par la taille des individus. Si les causes ne sont pas claires, les conséquences non plus. Est-ce que les systèmes tropicaux, ceux qui sont les plus touchés par la réduction de teneur en oxygène, vont se désertifier? Est-ce que les espèces des milieux habituellement chauds vont se déplacer au plus loin possible de l'équateur et devenir plus nombreux? On ne sait pas. Mais la nature est tout de même maligne et cette réduction de taille, qu'importe la cause, permet une certaine résilience. La question qui reste en suspens est jusqu'à quel point? Et pour le savoir, il faut davantage de données et des observatoires. Et c'est là où le bât blesse. Ce sont dans les pays tropicaux que nous avons besoin de ces suivis rigoureux, pays qui sont généralement plus pauvres et qui ne disposent pas de ces moyens de recherche. Merci Alexandra et merci à vous Giuseppe Longo qui avez accepté de venir nous parler de votre livre « Le cauchemar de Prométhée ». Sous-titre « Les sciences et leurs limites », c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Dimitri Paz et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.